La 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale a lieu jusqu'au 22 octobre autour d'une thématique cette année. À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Aujourd'hui, découverte d'une initiative portée par une équipe de soignantes qui travaille dans un CATTP. CATTP, c'est Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Cécile et Hélène. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Pierre dans les studios. Bonjour Pierre. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et qui participe aussi aux actions du CATTP. CATTP, alors expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est. Le CATTP, comme vous l'avez bien dit auparavant, c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Donc on est une équipe d'infirmières, d'ergothérapeutes et aussi d'aides-soignantes. On fait partie du centre psychothérapique de Nancy. On fait partie de l'hôpital public. C'est vrai qu'on est une unité à part. On fait différentes activités thérapeutiques, que ce soit activités manuelles et aussi des sorties culturelles. Et aussi, on organise activités autour de groupes de parole. On fait beaucoup de choses et de plus en plus, on s'ouvre vers l'extérieur, dont notre partenariat avec la médiathèque pour ce podcast. Dont on va parler après, parce qu'effectivement, parmi les activités et nombreuses activités que vous menez, vous avez créé un podcast qu'on écoutera à la fin de cet entretien, dans le cadre de cette semaine, avec, en partenariat donc avec la bibliothèque de Nancy. Hélène aussi, infirmière, soignante. Tout à fait, oui. Infirmière. Alors, toutes les deux avec Cécile, ça fait pas longtemps qu'on est sur le CATTP. C'est un lieu qui existe depuis de nombreuses années. En fait, c'est situé en ville... près de la rue de la Colline à Nancy. Historiquement, ça accueillait aussi les gens de l'entourage, du quartier. Et puis, en fait, au niveau des soins, au niveau national, il y a eu une décision de recentrer vraiment plus sur un centre d'accueil et d'activité thérapeutique et plus forcément sur... c'était un atelier, en fait, qui était plus ouvert sous une forme de GEM, c'est-à-dire un groupe d'entraide mutuelle qui est plus associatif. Là, bon, ça dépendait de l'hôpital, mais c'était plus le fonctionnement comme ça. Et du coup, on a ouvert sur plein d'activités, donc médiation culturelle, artistique, et aussi beaucoup d'expressions du groupe de parole. Donc, on a ouvert sur plein d'activités. Et puis, uniquement, avant, c'était peinture et poterie. On diversifiait énormément les médias. Donc, vous l'avez dit, ça existe depuis très longtemps. Ça a changé de forme, ce type de lieu d'accueil. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle donc CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et vous accueillez combien de personnes au cours d'une semaine, au cours d'une année? C'est vrai que pour l'instant, on a un potentiel hebdomadaire de 70 à 80 personnes qui viennent. Après, c'est assez fluctuant. Il y a des personnes qui ne viennent plus, qui viennent temporairement. En fin de compte, le CATTP Delta, ça a été fait pour que les personnes soient juste de passage, en fait, qui s'orientent par la suite plutôt vers des associations ou tout ce qui est MJC, etc. Plus s'ouvrir sur la cité, sur le monde extérieur, c'est le but. Après, il y a des personnes qui ont besoin quand même, par rapport à leur pathologie, d'être ritualisées. Donc, c'est leur repère de venir toujours au CATTP. Il y en a qui viennent depuis plusieurs années. C'est un lieu qui est assez bienveillant. Et c'est vrai qu'on reste une équipe soignante, mais on fait les activités, toutes les activités on fait avec eux. Et c'est vrai qu'on est hyper à l'écoute, hyper bienveillant. Et c'est vrai qu'en fin de compte, comme on dit toujours, on laisse les pathologies sur le pas de la porte. On est tous ensemble, on est tous pareils, sur le même piédestal en fait. C'est un lieu de soins, mais quand on y arrive, on ne voit pas forcément la partie médicale. C'est vraiment un lieu de vie avant tout. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça reste, ça fait partie de l'hôpital, mais on n'est pas, voilà, on n'a pas... On ne porte pas forcément la blouse non plus. On est habillé en civil. On accueille avec un café, un sourire, hein, comment ça va, et puis on parle pas forcément de la pathologie, quoi. C'est pas ce qu'on demande en premier. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, voilà, qui recréent un lien social en fait. Oui. Beaucoup de gens sont seuls chez eux et c'est vrai que nous on apporte énormément. Enfin, c'est vrai qu'on est, c'est une grande aventure humaine comme on dit toujours. On est très fiers de faire partie de cette aventure en fait. C'est un temps d'étape dans une reconstruction d'une personne. Tout à fait, parce qu'on a toutes sortes de pathologies. C'est vrai qu'on a toujours le cliché sur la psychiatrie, mais il y a des gens qui sont dépressifs. Donc à savoir que la dépression ça peut toucher n'importe quelle personne. Donc quelqu'un qui est atteint de dépression que ce soit temporaire ou chronique, et ben, c'est vrai qu'il peut passer par la psychiatrie, et ça, il y a peu de personnes qui le savent, ou des personnes qui sont atteintes d'addiction à n'importe quelle substance, voilà, on passe par la psychiatrie, c'est pas que les maladies mentales, enfin, comme on peut le croire, et voilà, tout de suite, c'est vrai qu'on a toujours, nous, à chaque fois qu'on dit on travaille en psychiatrie, quand on va sur l'extérieur, les gens, ils ont toujours dit, enfin, c'est vrai que, ben, par rapport à mon expérience, c'est toujours, ben, vous avez pas peur de travailler en psychiatrie, alors que non, pas du tout, on a trop de grands clichés. toucher. C'est pour ça que la semaine d'information sur la santé mentale est très très importante là-dessus, en fait. Et c'est, ça permet de voir que les personnes sont comme tout le monde, à savoir qu'il y a les maladies mentales, mais aussi il y a les maladies somatiques qu'on voit pas. En fin de compte, la maladie, c'est un monde vraiment... tout le monde peut être atteint de n'importe quelle maladie, et donc soit n'importe quelle maladie chronique, ça peut être physique ou psy, je veux dire, voilà, c'est, ça parle à tout le monde. En fait, c'est la schizophrénie souvent qui fait très peur, parce que c'est tout ce qui a été véhiculé dans les médias. Et moi, j'aime bien reprendre une comparaison que faisait un ancien médecin qui est maintenant à la retraite, mais qui disait qu'en fait, il faut se dire que n'importe qui peut devenir schizophrène avec un seuil de stress suffisamment élevé. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes, enfin, de gens dans l'armée qui deviennent fous parce qu'ils sont dans des conflits avec de la guerre et que le seuil de stress, est, enfin, ou alors ils se font enlever, séquestrer, torturer. Et les personnes-là, des fois, perdent carrément le sens de la réalité et peuvent devenir folles, quoi. Enfin, ça peut arriver à n'importe qui, en fait. On en est à la 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale, et pourtant, les idées reçues sont encore bien ancrées dans la population, dans les têtes. C'est difficile de changer ces idées-là. C'est... Tout à fait. Je pense qu'il y aura encore besoin de pas mal d'années. Et c'est pour ça que de plus en plus, bah, c'est vrai qu'au niveau du CPN, enfin, du Centre Psychothérapie de Nancy, justement, le but, c'est quand même d'ouvrir les personnes qui sont prises en charge par l'hôpital, de s'ouvrir énormément sur plein de choses, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, voilà, on va s'ouvrir aussi vers la cité. C'est le but. C'est d'inclure tout le monde. C'est, voilà, le podcast parle de l'inclusion, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ça fait toujours peur. Les gens ont toujours peur. Et c'est vrai que c'est dommage. Et c'est vrai que nous, on a la chance de travailler dans ce milieu. Et je trouve que voilà, c'est très, très enrichissant pour nous, en fait. On va écouter après le podcast sur l'inclusion et la culture que vous avez réalisée. Donc avec Pierre, hein, qui est en studio également. Tu vas à Delta depuis combien de temps maintenant? Alors moi, mon aventure à Delta a commencé il y a à peu près 4 ans, à peu près, lorsque j'étais hospitalisé. On m'a conseillé d'aller à Delta où on faisait pas mal de poterie, de peinture, etc. pour m'ouvrir à la société. Et j'y suis allé et tout de suite, j'ai bien été accueilli par le café, par les infirmières aussi, qui sont très agréables. Et c'est effectivement un moment très agréable quand je vais à Delta. Ça fait une parenthèse un petit peu dans la semaine qui peut être des fois un peu monotone, etc. Ben là, ça me fait une parenthèse vraiment où je peux exprimer ma créativité et puis voir la créativité des autres aussi. Je trouve que c'est vraiment inspirant, quoi. Donc quand on t'a dit tiens, tu vas aller à Delta faire de la poterie, tu t'es dit mais ça, en quoi ça va m'aider? Ben je me suis dit c'était pas pour moi parce que je suis pas manuel, et finalement j'ai appris un certain nombre de choses. J'ai appris de la peinture aussi, j'ai pas encore fait la sculpture ni la poterie, mais il y a plein d'activités qu'on a pu faire, notamment ce podcast là qui m'a un peu rapproché de ce que j'aime faire, quoi. Oui, parce que tu as fait de la radio. Oui, tout à fait, peu, hein, dans cette maison. Exactement. Et tous ces ateliers, ces travaux manuels, ça a vraiment un impact sur le bien-être des personnes que vous accueillez à Delta? Tout ce qui est activité manuelle, c'est beaucoup pour tout l'estime de soi. Un peu, toujours, on a toujours un peu, toujours à se dévaloriser, etc. Justement, ça permet aux gens de reprendre confiance en eux. C'est beaucoup ça, parce qu'en fin de compte, le résultat d'une activité manuelle, n'importe quelle soit la matière utilisée, c'est valorisant. Puis nous, on est là aussi pour les aider. On ne demande pas un résultat parfait, c'est pas le but du tout. C'est qu'on dit, voilà, au moins j'ai pu faire quelque chose de cette matière, de ça, et j'ai pu faire quelque chose de mes mains. Et souvent, les gens, ils sont même surpris de voir le résultat, en fait. Il y a des gens, ils connaissaient pas du tout la peinture. Je parle de la peinture, mais on fait plein d'autres choses. Et je pense particulièrement une personne qui vient d'être une usagère et qui dit qui a découvert la peinture. Alors nous, on n'est pas des artistes non plus, on est infirmière à la base, hein. Donc et qui s'est découvert et vraiment la peinture à l'huile, quelque chose très d'apaisant, enfin de relaxant. Et c'est vrai qu'elle a trouvé son truc et ça l'aide énormément. Faut pas penser que cette étape data c'est une MJC, pas du tout. C'est vraiment un lieu thérapeutique, justement, c'est le mot. Il y a un grand temps d'écoute aussi où vous discutez, vous dialoguez avec les personnes qui viennent voir. Comme on disait, on fait de plus en plus des activités pour le groupe de parole. Pareil, il y a des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer en public, en groupe, et justement, là, ça les aide. Il y a toujours des personnes aussi dans les groupes qui sont plus dynamiques que d'autres et qui parlent beaucoup plus, et donc ça aide tout le monde. Enfin, c'est soit par jeu ou par d'autres activités, on est plus là-dessus, quoi. Parce que libérer la parole, c'est énorme. Et puis tout le monde sait qu'on est dans un lieu de soins et ils sont vachement un peu coucounés avec nous, en fait. Ils aiment bien, en fait. Et puis la peinture, c'est aussi une façon de s'exprimer, hein, et puis de toucher des émotions, de lâcher des émotions, il y a cet enjeu-là aussi. Les personnes qui viennent à Delta, elles viennent de manière volontaire ou elles sont, c'est des médecins qui leur suggèrent ? Il y a les deux, en fait. Il y a des personnes qui demandent à venir, qui ont entendu parler de nous par d'autres patients. Et puis d'autres qui découvrent parce que leur médecin connaît et suggère de venir. Donc là, il y a la première phase où il y a un accueil, une rencontre. On présente les lieux, on explique comment on fonctionne. Et puis après, par contre, il faut qu'ils soient partants pour venir parce que de toute façon, on n'ira pas les chercher chez eux, hein. Ça c'est certain. Mais généralement, ouais, ça marche plutôt bien, quoi. On a parlé poterie, on a parlé peinture, on a parlé aussi d'un podcast. Alors que vous avez créé donc dans le cadre de cette semaine d'information sur la santé mentale, comment est venue l'idée et comment vous avez choisi le thème, donc l'inclusion et la culture? Alors au départ, le partenariat avec la médiathèque, ça a commencé l'année dernière. On a trié parmi plusieurs livres de 5 contes et avec quelques usagers de Delta, on a pu faire un petit spectacle à la médiathèque du Lièvre et ils ont pu raconter leurs contes et on était avec support, on avait des illustrations, des objets pour accompagner la lecture des contes. Donc, on a fait devant un petit public d'enfants et d'adultes. Donc, voilà, on a commencé le partenariat comme ça avec la médiathèque. Ça qu'antérieurement, nous, on n'a pas connu avec Hélène, mais ils ont déjà fait des autres partenariats avec nos collègues. Et là, du coup, ils nous ont demandé si on voulait être partant pour faire le podcast. Je vais laisser Hélène parler, parce que c'est elle qui a participé au podcast, voilà, qui a fait aussi partie de l'enregistrement. Donc, voilà, je lui donne la parole. Donc, c'est Émilie Brasseur, en fait, qui nous a sollicité, parce que la médiathèque aussi voulait enrichir l'offre culturelle. Ils savaient qu'ils allaient avoir du matériel pour faire des podcasts, du personnel qui est dédié, qui s'est mixé. Voilà, c'est tout un travail que nous, technique qu'on maîtrise pas du tout. Et donc, comme le partenariat existait déjà, l'idée de travailler ensemble s'est fait assez facilement. Le thème est venu assez facilement, en fait, en co-construisant le podcast avec la médiathèque et avec nos patients. Je pense qu'on voulait parler et de culture et de santé mentale. Et donc le thème de l'inclusion, il s'est imposé assez rapidement, en fait, parce que les patients, oui, ont leur place aussi. Patients, du coup, ils sont plus hospitalisés, hein, sont des usagers aussi, mais en souffrant de maladie, ils ont leur place à la médiathèque comme tout à chacun. Comme tout le monde. Et d'ailleurs, Émilie Brasseur est chargée pour les personnes empêchées. Donc elle s'occupe en fait de commander des ouvrages qui sont adaptés pour les personnes, par exemple, malvoyantes, malentendantes, en braille. Audio description, enfin voilà. Et vraiment, elle se rend disponible pour rendre les collections plus disponibles ou même pour, je pense, un autre usager qui est en fauteuil roulant aussi. Enfin, voilà. Inclusion et culture, c'est le thème que vous avez choisi pour ce podcast qu'on va écouter dans très peu de temps, mais on va donner déjà la parole à Pierre qui a participé de manière très active à ce podcast, qui le présentera d'ailleurs. Tout à fait. Quand on t'a proposé ce projet-là, qu'est-ce que tu as dit ? Ah bah j'ai dit oui immédiatement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler un petit peu des autres, d'aller à la rencontre des personnes, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Et puis quand le sujet t'a paru, ben ça m'a paru une évidence de pouvoir transmettre un peu un message d'espoir, ben, un message un petit peu qu'on est entre guillemets comme tout le monde. Même si chaque personne est unique, il ne faudrait pas que la maladie, ce soit que les préjugés. Et moi, j'aime bien défendre ce genre d'idée, quoi. Donc, vous étiez combien participer ? On était 6 personnes. 6 personnes avec un micro-trottoir aussi. Avec un micro-trottoir, c'est ça. On a été à divers endroits, donc notamment devant la médiathèque et aussi rue Charles III pour demander qu'est-ce que c'était que l'inclusion. Est-ce que les gens avaient une idée de ce que c'était que l'inclusion pour les personnes en situation de handicap ? Et on a eu plusieurs réponses, intéressantes, parce que tout le monde ne le savait pas forcément ou avait sa propre définition, et on a pu éclaircir un peu ce que c'était, et puis on espère vous avoir donné envie d'apprendre ce que c'était. Il y a encore plein de choses à dire sur cette question, vous aurez peut-être d'autres podcasts à venir prochainement, pourquoi pas, c'est dans les projets, oui, ça. Oui, c'est très possible, on ne sait pas encore quand, mais on en a parlé. Et pour ce qui est des créations, sculptures, peintures, tout ça, est-ce qu'il y a des expositions de prévues ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors, c'est vrai que là, vous posez la question, une bonne question d'ailleurs. C'est vrai que là, on va faire un partenariat avec une céramiste, donc une professionnelle, parce que nous, on n'est pas des pros, on va dire, de la poterie. Donc, on va faire un projet à partir de début décembre. La céramiste qui travaille déjà dans un CTTP, donc c'est nos collègues, mais sur Lunéville, et qui travaille également sur la MJC des Forges. Et donc, on va exposer, enfin, on est super contente, au Jardin Botanique à partir de fin mars. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le thème, ce sera le chocolat. Donc la céramiste qui nous accompagne a déjà trouvé des bonnes idées et justement on va avoir notre petite place, une petite place sur l'expo quoi. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur et comme ça, parce que c'est vrai que le jardin botanique a beaucoup d'impact au niveau du nombre de personnes qui passent. Hein, donc c'est en plus c'est un jardin qui est magnifique. Oui. Donc là, si tout va bien, on pourra exposer ce que les personnes ont fait. Donc on aura un groupe de 10 personnes, des usagers qui en ont des tas, donc ils seront au nombre de 10 et on travaillera avec la céramiste. Et l'expo, donc, ça sera à partir du premier jour du Pâques, normalement c'est le 31 mars, jusqu'en novembre, on pourra avoir l'exposition en fait. Après, on sera une toute petite partie parmi d'autres exposants, d'autres personnes qui seront aussi accompagnateurs sur cette exposition, quoi. Mais ce sera déjà un beau projet sur la durée aussi pour les personnes que vous accueillez. Une autre exposition, tiens, pour conclure cet entretien, toujours dans le cadre des 34e édition des semaines d'information sur la santé mentale, c'est dimanche 15 octobre à la MJC Lillebonne sur le thème « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». L'occasion de venir découvrir des œuvres là réalisées par des membres d'associations et institutions participant à cette édition. Il y aura même un court-métrage et un atelier co-créatif. Donc on vous retrouvera peut-être aussi sur place pour participer à cet après-midi. Pourquoi pas, on ne sait pas. Donc c'est dimanche de 11h à 17h à l'MJC Lillebonne. Merci beaucoup à vous trois d'avoir présenté. On va encore vous entendre, je crois, dans le podcast, non ? Tout à fait. On va m'entendre, moi. Surtout Hélène. Cécile ne faisait pas partie, donc moi, je ne fais pas partie de l'enregistrement audio. Mais Hélène et notre autre collègue Ophélie faisaient partie aussi avec Pierre et les autres usagers, en fait. Et c'est Pierre qu'on va retrouver tout de suite à l'animation. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.